Chapitre 25. Quand la CIA espionne les sénateurs chargés de la contrôler. La sénatrice démocrate Dianne Feinstein est la présidente du comité sénatorial pour le renseignement, l'organe législatif en charge de contrôler l'agence. Le public américain lui doit d'avoir fait toute la lumière sur les agissements les plus troubles de la CIA pendant les années Bush Jr. En 2010-2013, son comité a réalisé une enquête minutieuse sur les méthodes de détention et d'interrogatoire de la CIA, qui a confirmé point par point tout ce qu'affirmait le rapport Marty du Conseil de l'Europe, publié dès 2007 dans une première édition de ce livre, et plusieurs journalistes d'investigation. Le rapport révèle notamment que 119 détenus ont été capturés et séquestrés dans des sites dits « noirs », la Thaïlande, l'Afghanistan, la Roumanie, la Pologne et la Lituanie, entre 2002 et 2008. L'administration Obama a résisté plusieurs mois avant d'accepter, en décembre 2014, la déclassification et la publication partielle du rapport. Ce que Dianne Feinstein ignorait à ce moment, et qu'elle apprend quelques mois plus tard, en mars 2014, c'est que pendant leur enquête, les sénateurs du comité et leurs collaborateurs ont été espionnés par la CIA. Au démarrage de l'enquête, un accord a été passé entre Dianne Feinstein et le directeur de l'agence, Léon Panetta, pour que la CIA mette à disposition de la commission les documents internes pertinents pour son enquête, consultables sur un serveur partagé entre la CIA et la commission via un moteur de recherche Google. Pour des raisons de sécurité, le serveur informatique mis à disposition des sénateurs doit être interrogé depuis un local extérieur à l'agence, mais sécurisé. Un firewall doit protéger les fichiers et dossiers de travail de la commission de tout accès intempestif en provenance de la CIA. En novembre 2010, un collaborateur de la commission tombe via une recherche Google sur un dossier qu'il ne connaît pas, le rapport interne sur les détentions extraordinaires établi à l'arrivée du directeur Panetta en 2009. Les équipes de la CIA n'avaient pas prévu de communiquer ce dossier en particulier, qui établit une synthèse sans concession des violations du droit commises par l'agence en dehors du territoire américain. Seulement voilà, le collaborateur n'en a pas conscience et il récupère tout naturellement ce fichier qui lui semble très pertinent pour son travail. Les équipes de la CIA se sont piégées toutes seules, en installant une recherche Google mal paramétrée qui ne se limite pas au corpus de documents que l'on prévoyait de communiquer à la commission sénatoriale. De ce fait, la commission continue à accéder à des documents qui ne figurent pas dans le fichier partagé préparé à leur intention, mais dans d'autres dossiers en théorie inaccessibles. Ainsi, certains comportent noir sur blanc les noms d'agents en activité clandestine à l'étranger, lesquels devraient être noircis avant communication pour leur protection. Comprenant enfin que quelque chose cloche, les collaborateurs de la commission signalent obligeamment à la CIA, à plusieurs reprises, qu'ils ont accès à des documents imprévus, sans préciser lesquels. Après un long silence, l'agence devient subitement nerveuse sur le fonctionnement de l'enquête et veut changer les règles de jeu. Elle exige par exemple d'avoir accès aux notes prises par les collaborateurs de la commission avant qu'ils puissent les sortir du bâtiment sécurisé dans lequel ils travaillent. La commission refuse au nom de la séparation des pouvoirs. Les sénateurs républicains, membres de la commission, qui jusqu'alors soutenaient le principe de l'enquête, font volte-face et se retirent du processus. Lorsque le rapport sénatorial sera publié, ces sénateurs publieront séparément leur analyse divergente du programme de détention et d'interrogation. Pourquoi une telle nervosité concernant la consultation du rapport interne Panetta? Tout simplement parce qu'il fait apparaître des contradictions importantes avec certains témoignages apportés par de hauts responsables de la CIA devant le Congrès, à l'image d'Alfreda Bykovsky, pour vanter les bénéfices des méthodes d'interrogation extrêmes. En d'autres termes, ces responsables ont délibérément menti au Congrès. Durant l'été 2013, il devient clair pour la CIA, comme pour les membres de la commission d'enquête sénatoriale, qu'ils sont en désaccord frontal. La CIA, qui ne sait pas encore que les sénateurs disposent du rapport Panetta, demande que les conclusions provisoires sévères de la commission soient adoucies. En novembre 2013, Diane Feinstein écrit au directeur Brennan pour lui demander de communiquer le rapport Panetta, dont elle sait qu'il est cohérent avec les conclusions de sa commission. John Brennan comprend alors que la commission dispose déjà du fameux rapport. Une équipe de la CIA visite les disques durs des ordinateurs de la commission. Lors d'une réunion avec Diane Feinstein, John Brennan l'informe de cette intrusion, accuse son collaborateur d'avoir hacké des dossiers de la CIA auxquels il n'avait pas le droit d'accéder, et annonce l'ouverture d'une enquête. Diane Feinstein s'y oppose au nom de la séparation des pouvoirs. La CIA ne peut pas enquêter sur les sénateurs chargés de la contrôler. Finalement, Brennan et Feinstein se mettent d'accord sur un statu quo. Pas d'ingérence de la CIA, mais la commission gèle ses activités le temps qu'une solution soit trouvée. Seul problème, contrairement aux engagements pris par Brennan, son équipe de cyber-investigateurs continue ses incursions informatiques et inspecte à 3 reprises les ordinateurs de la commission. Vont s'en suivre des mois d'empoignades, de guerres de communiqués, de contre-enquêtes du département de la justice, de l'inspecteur général de la CIA, qu'il serait fastidieux de détailler ici. Même s'il a un moment envisagé de s'excuser, chose rare chez lui, John Brennan n'a toujours pas reconnu à ce jour, malgré les conclusions de l'inspecteur général de la CIA, que ses agents avaient mal agi en visitant les ordinateurs de la commission sénatoriale. L'affaire peut sembler modeste comparée à d'autres. Elle montre pourtant une agence plus indépendante et puissante que jamais, la Maison-Blanche s'est gardée d'intervenir dans ce conflit, et qui estime pouvoir juger seule des pièces à partir desquelles on peut évaluer son travail. Toute déviation de ce programme étant jugée comme une menace pour la sécurité nationale. Bref, un pouvoir qui n'admet pas de véritable contrôle.